Parlons un peu de ma jeunesse. Il n'y a rien d'exceptionnel à savoir, si ce n'est que j'habitais tout près d'un vidéoclub et que tous les week-ends j'avais le droit à trois cassettes. Et parmi celles qui revenaient le plus, il y avait bien sûr Maman, j'ai raté l'avion. Petit classique familial des années 90, ce film de Chris Columbus nous narre comment Kevin McAllister, après avoir été oublié par des parents en quête de calme bien mérité, va défendre radicalement son domaine face à deux cambrioleurs particulièrement bénés. La musique très chouette apporte une touche étonnante de surnaturel pour ce qui n'est finalement que l'acharnement d'un futur psychopathe sur deux neuneux. Et c'est bien ce qui est jouissif. La première moitié du film, très plan-plan, manque un peu de rythme, mais nous présente tranquillement les enjeux et les nombreux fusils de Tchekhov. Et le dernier quart règle les comptes de façon très cartoonesque. Le duo Daniel Stern et Joe Pesci fonctionne à merveille, et leurs mimiques sont hilarantes. 30 ans après, ce film fonctionne encore avec mes enfants, et cerise sur le gâteau, la VF est excellente.